trouve du sultan qui menaçait Lahore, la royale cité, notre puissance est redoutable encore. Comme si les chassaient une invisible main, elles ont du dessert regagné le chemin. Le peuple est rassuré, c'est mon nom qui l'acclame. Le calme est rentré dans mon âme et je puis être sourire aux splendeurs.